be home? No idea. Okay, thanks a lot. Le beau bizarre. Participation à une nouvelle culture radiophonique. M'entends ? Et là, on dit le nouvel art radiophonique sera fondé premièrement sur le parasite. Amis du Beau Bizarre, bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle émission avec Cédric et Fabrice à la technique qui a décidé de remettre en tapis Different Trains de Steve Reich. Bravo, bon choix. Bon, l'émission de ce soir, écoutez, n'a pas de thème. Hein, on va un petit peu enchaîner des morceaux, pas au petit bonheur la chance, mais en tout cas, en étant guidé toujours par le principe du plaisir. On va commencer par deux morceaux plutôt électro, mais de périodes différentes. On va commencer par... Front de 4-2 et le morceau Operating Tracks. Front de 4-2, groupe belge fondé en 1981. D'ailleurs, je crois qu'on avait déjà passé un morceau de ce groupe pour l'émission spéciale Belgique à la fin de l'année dernière. Tout à fait. Donc, groupe fondé en 1981. Le morceau qu'on va écouter est tiré de l'album Géographie, premier album du groupe sorti en 82, donc une musique électronique minimaliste et pour l'époque, vous allez le voir, radicale, à la fois dansante et martiale, soutenue par des samples venus de la télévision. L'imagerie du groupe, elle est quant à elle plutôt paramilitaire et l'influence majeure de Front de 4-2, c'est bien entendu Kraftwerk. Voici Operating Tracks. Thank you. dread by She makes it clear the shadows of the trees C'est le morceau Camel. Derrière ce pseudo se cache un Californien, Steven Ellison. Alors, le morceau Camel, hein, c'est un morceau d'une belle fraîcheur. Et d'ailleurs, l'ensemble de l'album est une évasion réussie dans la péninsule californienne de Los Angeles. Il s'appelle ainsi cet album. Voilà, alors après ce début électro un peu court, on va enchaîner avec des morceaux plus rock. Et dès qu'on parle rock dans cette émission, eh bien on laisse la parole à Fabrice. Oui, merci. Je te la rendrai, ne t'inquiète pas. Ouais, alors là, on va passer à quelque chose d'assez différent. On va passer au groupe punk de Kim Gordon, la bassiste de Sonic Youth, ou peut-être vaudrait-il dire Feu Sonic Youth, les choses ne sont pas encore tout à fait sûres en ce domaine. Donc elle a monté un groupe avec sa copine Julika Fritz, qui avait un temps joué dans Pussy Galore, le groupe punk de John Spencer. Et elle a monté un groupe avec son copain aussi, Marc, le batteur de Pavement. C'est pas Sir Stone Moore son copain ? Non, mais elle a plein de copains. Ah. Enfin bon. D'accord. Mais elle n'a qu'un mari, avec qui elle a fini par divorcer. C'était la séquence gala de... Voilà, tout à fait, on aime bien de temps en temps, c'est rafraîchissant. Après toutes ces références un petit peu pédantes et discographiques un peu ennuyeuses, voilà. Et on retrouve aussi Yoshimi qui est non, c'est elle la batteuse en fait, elle c'est la batteuse des Boredoms, voilà. Donc ils ont sorti 3 ou 4 albums même, parce qu'il y en a un qui est sorti en 2008, je crois que c'était le 4ème. Les premiers sont les meilleurs, il faut bien le dire. Donc là, on est dans la bonne pioche. On a une reprise qu'on vous passera un jour, peut-être qu'on vous l'a passé d'ailleurs, je sais plus, de Teeny Weeny Boppy, un titre que Gainsbourg avait écrit pour. Encore lui. Pour France Gall, bah, oui, mais il est incontournable, hein, ça. On peut pas dire le contraire. Et donc là, on va écouter Never Gonna Sleep. C'est un morceau assez long de 6 minutes qui effectivement n'engage pas à dormir. Never Gonna Sleep. Never Gonna Sleep. Time! so we could get a bite to eat. And though we both had been much thinner, she looked so beautiful I could eat her. Well, well, well. I took c'est vraiment dommage que ça s'arrête comme ça. C'est très frustrant parce que ça pourrait durer. Ça pourrait durer très très très longtemps, mais malheureusement tout a une fin. Et vous aurez reconnu John Lennon, ou peut-être pas d'ailleurs, parce que c'est assez différent de ce qu'il pouvait faire avec ce petit groupe. Comment ça s'appelle les... Oui, enfin, la voix quand même est reconnaissable. Oui, on reconnaît la voix. Alors ça a été enregistré à l'automne 70, donc c'est peu après la rupture des Beatles. Et c'est un album important dans sa carrière, puisque c'est l'album où il fait un peu le deuil de sa mère, l'album qui n'a pas de nom, si ce n'est le nom du groupe Plastic Ono Band de John Lennon, s'ouvre avec un morceau sur sa mère et se termine avec un morceau sur sa mère. On trouve dans cet album Working Class Hero le titre qu'on vient d'écouter qui s'appelle Well Well Well, comme ah bon, et oui et voilà, donc l'album de deuil, album de psychanalyse me semble-t-il, notamment le titre que nous venons d'écouter, puisque je crois que c'est parce que il avait dû suivre quelques séances de thérapie cri-primale qu'il avait eu l'idée de d'enregistrer ce morceau. Je ne garantis pas, c'est peut-être une légende comme il en court beaucoup. On avait Ringo Starr à la batterie, Phil Spector à la production. Et je tiens à vous mettre en garde. Moi, j'ai l'album, j'ai la réédition CD remasterisée qui est sortie en 2000. Et ils ont eu la mauvaise idée de rajouter deux titres complètement idiots, Power to the People et Do the Oz, à la fin de l'album, alors que l'album raconte une histoire en lui-même et se termine sur un titre très émouvant, Ma maman est morte, My mom is dead. Et là, au lieu de se terminer là-dessus et que le silence vienne clôturer en beauté l'album, et eh ben on a deux conneries, n'ayons pas peur des mots, Power to the People et 12 Oz, qui n'avaient strictement rien à faire là. Ça s'appelle du marketing et donc du cynisme. C'est la preuve une fois de plus que le marketing est souvent un attrape-nigaud. Voilà. Oui, et puis en plus là, pour le coup, les amateurs de Lennon s'y retrouvent pas, quoi. Alors bon, on va enchaîner, on va pas polémiquer parce que malheureusement ça pourrait durer très longtemps. On va enchaîner avec des gens qui risquent pas de subir des opérations marketing très violentes, puisqu'il s'agit du groupe Fille qui mousse. Le morceau qu'on va écouter... Si c'est pas du marketing, ça, avec attends, un appareil. Attends d'écouter le morceau. Donc le morceau s'appelle Amour gel, et le titre de l'album, Se taire pour une femme trop belle. C'est un disque barré, mais alors vraiment barré. Fille qui mousse a été fondée au début des années 1970 par le journaliste Henri-Jean Hénu, grande figure du mouvement underground en France, plus connu pour sa revue de contre-culture Le Parapluie. Donc pour le projet Fille qui mousse, il va s'entourer d'un petit groupe de personnes, dont Jean-Pierre Lantin, qui est un des fondateurs du magazine Actuel. Voilà, on va écouter Amour gel. Chose nue, chose du désespoir. Un torrent de nuages passa devant mes yeux. Je les recevais. Je fis une place dans mon éruptique. Elle était toujours là, percée, tiraillée. Elle regardait au-dedans d'elle. Il me sembla qu'elle jouait avec le soleil. Une affiche verte me traversa le corps, au niveau des côtes, au-dessous de la taille, de droite à gauche. Raide comme un marin, avec des gestes qui fixaient le ralenti, un automate la conduisait, l'emmenait, la ramenait, inlassablement. Ses pieds pensent, ils parlent au sol. Un fer de lance me passe par le corps, depuis le cœur jusqu'aux yeux. Les pieds sont là, devant moi, immobiles. Ils me regardent et m'appellent. Mes yeux, où sont mes yeux? Ils n'ont plus de ressort. Une sous-production les a entraînés vers un bidon vide, par là, dans une moiteur chargée de suspects. J'attends qu'on vienne me délivrer. Mon corps s'agite. Il est plaqué là-bas contre le mur, collé depuis les genoux jusqu'au menton, les jambes pliées, les pieds pendants et les bras écartés. Et le donjon ne cesse de croître. Je me rappelle soudain que je ne suis plus dans le rotor de la fête foraine. Je peux bouger. Un homme, petit comme une fourmi, s'agite en haut du donjon et lance des grands cris d'appel. Encore une fusée qui passe dans un bruit de tonnerre. Une vieille dame a regardé stupéfaite son chapeau emporté par la fusée. Le charme est rompu. Je suis dans une oubliette. Il me faut pour sortir écrire pendant des années, crier que je ne suis pas mort. Et alors je pourrais peut-être rejoindre la fillette, la femme qui m'appelait dans le métro, la femme marin. Qu'est-ce qui fuit? Qu'est-ce qui boue? Qu'est-ce qui flambe? Arrêtez! Vous savez bien que je ne peux pas bouger. Je ne peux que penser. Ça fait des années que je suis dans la salle de spectacle. J'applaudis, je crache, je jure. Un espadon vient parfois pour m'emmener à l'asile de fous, me disant qu'il veut faire une partie de billard. Mais je ne l'ai jamais cru. Il est avec Gilles. Il est assuré. Il est avec Gilles. Il est client. Il signe. Il est à Besançon. Il est au club. Il est avec Gilles. Il est élégant. Il téléphone. Il appuie sur étoile. Il compose le code. Il a 8 secondes. Il appuie 3 secondes. Il photographie. Il est à Besançon. Il est rue de la communauté. Il est à Besançon. Il photographie. Il est à Carrefour. Il reçoit un reçu. Il conserve le reçu. Il est à Carrefour. Il est à Besançon. Il est à Valentin. Il est français. Il est de nationalité française. Il est à Marseille. Il est à Valentin. Il est français. Il est de nationalité française. Il est à Marseille. Il signe. Il téléphone. Il est 13h05. Il est en 2001. Il est à Stone Valley. Il fume. Il conduit. Il est à Longchamp. Il est en France. Il téléphone. Il est 19h43. Il est à Paris. Il est en France. Il est à Carrefour. Il est 11h21. Il est le 6 novembre. Il est en 2001. Il est à la caisse. Il est à Carrefour. Il achète. Il achète comptant. Il paie. Il est 12h28. Il est le 23 novembre. Il est en 2001. Il est à la caisse. Il est à Carrefour. Il est à Besançon. Il est à Valentin. Il est avec Sandra. Il est à la pharmacie. Il est à Besançon. Il est à Déran. Il roule. Il est en taxi. Il est à Chamvent-les-Moulins. Il est en voiture. Il transporte un malade. Il transporte un colis. Il est à Bethléem. Il cueille des fleurs. Il est en Terre Sainte. Il est à la piscine. Il est à la patinoire. Il est à Besançon. Il est en voiture. Il est au cinéma. Il est à Valentin. Il regarde Stuart Little 2. Il est salle numéro 2. Il est 14h. Il est le 25 novembre. Il est en 2001. Il paie. Il paie une taxe. Il colle un timbre. Il est dans le Doubs. Il est en Franche-Comté. Il est chez le psychiatre. Il est au centre hospitalier. Il est place Saint-Jacques. Il est à Besançon. Il parle au professeur. Il parle à Paul. Il est 18h. Il est le 25 novembre. Il parle au docteur. Il est avec Séverine. Il parle au pédicure. Il est rue Chopard. Il est au vin. Il est à Besançon. Il est 13h30. Il est le 26 novembre. Il est chez le coiffeur. Il est rue de l'église. Il est à Pouilly-les-Vignes. Il joue. Il est grande rue. Il est à Besançon. Il est à Carrefour. Il est 13h44. Il est le 26 novembre. Il est en 2001. Il prend de l'essence. Il est à Valentin. Il paie. Il est à Saint-Jean-de-Luz. Il est avec Sandra. Il est en Franche-Comté. Il est avec Jules. Il est à Besançon. Il est au laboratoire. Il parle au docteur. Il parle à Bernard. Il est avec Fabienne. Il est avenue Marceau. Il est à Besançon. Il est à Cabi. Il est au centre de biologie. Il est au laboratoire. Il est au centre de biologie médicale. Il est au service de garde. Il est au laboratoire. Il est avec Pierre. Il est au laboratoire de biologie médicale. Il est au laboratoire. Il parle au docteur. Il est rue Gambetta. Il est à Besançon. Il est à la parfumerie. Il est avec Sandra. Il est en voiture. Il est avec Stéphane. Il est avec le vendeur. Il est boulevard Kennedy. Il est à Besançon. Il cherche une image. Il est grande rue. Il est au 77. Il est à Besançon. Il prend une photo. Il est fidèle. Il est au centre commercial. Il est à Carrefour. Il est à Valentin. Il est à Besançon. Il est à l'université. Il est en Franche-Comté. Il a une carte. Il recherche. Il est à la bibliothèque. Il est à l'université. Il est en Franche-Comté. Il est à la bibliothèque. Il danse. Il est à l'académie de danse. Il est rue Charrière. Il est au 1. Il est à Besançon. Il est avec Justine. Il est français. Il vote. Il danse. Il est à l'académie de danse. Il est rue Charrière, il est au 1, il est à Besançon, il est avec Justine, il fait du ski, il est à l'école de ski, il est français, il prend du plaisir, il fait du ski alpin, il a des capacités en ski, il est avec Pierre, il est avec le moniteur, il fait du ski, il est à l'Édimitaillère, il est à Mélan, il est au laboratoire, il est à la poste, il dépose un objet, il recommande un objet, il conserve le feuillet, il est assis sur la Sorgue, il paie, il écrit une lettre, il écrit à Claude, il est au Bon Rivote, il est à Besançon, il écrit à Alain, il est rue d'école, il est au 33, il est à Pouilly-les-Vignes, il est à Nanterre, il est avec Claude, il est avec l'agent général, il est au Bon Rivote, il est à Besançon, il est au Bourg Saint-Honoré, il est à Paris, il appelle l'étranger, il est assuré, il est une automobile, il voyage, il utilise son véhicule, il est assuré, il est responsable, il est à Chypre, il est en République de Chypre, il signe un contrat, il est in United Kingdom, il est in Britain, il est en Irlande du Nord, il signe un contrat, il utilise son véhicule, il est assuré, il est avec Sandra, il est rue de la Communauté, il est au 8, il est à Misery-Saline, il est à Paris, il est rue Richelieu, il est au 88, il est à Paris, il est avec l'assureur, il signe, il est en République française, il conduit, il est en République française, il est français, il est avec Justine, il est avec Lise, il est avec Marine, il est à Besançon, il est en République française, il est français, il est avec Sandra, il est avec Marie, il est à Besançon, il est en République française, il est français, il est avec Pierre, il est avec Clément, il est avec Émeric, il est à Besançon, il est malade, il est au centre de biologie, il est rue de Vesoul, il est au 33, il est à Besançon, il fait des prélèvements, il est au parking, il est au laboratoire, il est à Carrefour, il est à Besançon, il est à Valentin, il fait des courses, il achète de la cocoyotte, des saucisses, des yaourts à la pêche, du camembert, des crevettes, du fromage, des yaourts nature, du fromage, du beurre doux, des pizzas, du beurre allégé, du beurre doux, de la cocoyotte, des œufs, des cornflakes, des mouchoirs, un balai, du café, des haricots blancs, de l'eau de source, des haricots blancs, du maïs doux, des haricots verts, des insipides, du maïs doux, des flageolets, des champignons, du sirop de pomme, des essuie-tout, du papier toilette, du jus d'orange, du lait, du thon, des champignons, du lait, des potirons, une salade, du thon, des carottes, Thank you. Houston, in the Space Center, he's an astronaut, he's in Houston, he's in Texas, he's in the United States of America, he's in the US State Department, he's in America, he's writing answers, he's writing. Et voilà, 10 minutes en compagnie de Andy Moore, Alvan Otto et Anne James Shetton. Alors ça, c'est tiré d'un livre disque intitulé Décade, qui est sorti, je crois, qui est sorti cette année, ça c'est sûr. Voilà, je ne vais pas en dire plus parce que je pourrais me tromper. Vous venez d'écouter chapitre 1 en ville. Et voilà, je vous recommande chaudement... d'une part, d'écouter ces trois individus, éventuellement d'acheter leur disque distribué par Raster Norton, et aussi de fréquenter le festival Sonorité à Montpellier qu'organise Anne James Shetton et qui a eu lieu la semaine dernière au moment où on vous parle, qui n'est pas le moment où on enregistre cette émission, je peux bien l'avouer. Ben écoutez, c'est quand même un sacré morceau là, effectivement. Donc après, pour enchaîner, c'est pas évident. Donc on va rester un petit peu dans le langage parlé avec Ancre et le morceau Trouve-en un autre. Ancre, c'est l'un des premiers pseudos de Yann Tambour, qui est connu aujourd'hui sous le nom de The Stranded Horse. Alors, la musique d'Ancre, c'est un mélange de samples, d'instruments à cordes, de voix et de piano, avec un travail méticuleux et sensible du sampling. Alors depuis, Yann Tambour, avec The Stranded Horse, joue principalement de la cora. Voilà. Alors l'album d'Ancre, quant à lui, était sorti en 2001 sur le label Clapping Music. Voici Trouve-en un autre. Mais quoi ? Tu vas voir. Vas-y, trouve-en un autre. Moi, j'attends que ça. Pour lui sauter à la gueule. Encore une fois. Vas-y, trouve-en un autre. Moi, j'attends que ça. Pour lui sauter à la gueule. Et revenir encore une fois. Thank you. I don't know if you notice anything. It's getting dark and it's getting cold and the nights are getting long. And I don't know if you even notice at all that I'm long gone, babe, I'm long gone. And the things that keep us apart keep me alive. And the things that keep me alive keep me alone. I don't know if you notice anything missing. Like the leaves on the trees, or my clothes all over the floor. And I don't know if you even notice at all. Cause I was real quiet when I closed. And the things that keep us apart keep me alive. The things that keep me alive keep me alone. Quel morceau Defeat the Thing sur l'album Distance and Time. C'est le deuxième album de Fink sorti chez Ninja Tune après Biscuits for Breakfast. Toujours en trio avec le bassiste Guy Whittaker et le batteur Tim Thornton. Alors bon, afin de rendre cet album plus sophistiqué et plus étoffé que le précédent, Fink avait confié la production à Andy Barlow du groupe Lamb. Bon, alors évidemment, c'est un disque qui ne respire pas la joie de vivre, hein, comme vous avez pu l'entendre avec le premier single de cet album, Defeat the Thing, dont les paroles sont consacrées à une relation sur le déclin. Bon, tout ça n'est pas très très gai, mais je pense que Fabrice va nous trouver un bon petit morceau pour nous ragaillardir. Ah, mais tu peux compter sur moi, bien sûr. Sur moi et sur Annie El-Khatib, le nouveau John Spencer, selon certains de nos collègues radio. Je ne suis pas sûr de partager complètement cet avis-là. Mais en même temps, tu as un avis tellement personnel sur John Spencer. Oui, c'est vrai. Et bon, j'aurais bien passé un morceau du dernier album, mais comme on en a passé un il n'y a pas si longtemps, ça attendra. Ouais. Donc pour le moment, Annie El-Khatib, Fuck It, You Win. Voilà, bah, c'est sorti en 2011 sur l'album Will the Guns Come Out. C'est du garage rock, et comme souvent avec le garage rock, bah, ça se passe de commentaires. Call me on the phone. Gangster man, I'm gonna get my arm down. on in your eyes. A half a big long night. The Jesus Lizard dans le Beau Bizarre, c'est une première avec un titre de 93, Glamorous. Voilà, pour finir dans avec l'amour, avec l'amour et avec avec un peu de avec un peu d'entrain. Oui, voilà. Bah c'est bien l'entrain qui va nous mener maintenant dans les bras de Morphée. Il est temps de vous laisser avec exactement la suite des émissions, et puis nous on se retrouve la semaine prochaine pour une un nouveau Beau Bizarre. Un nouveau Beau Bizarre. Vous pouvez toujours nous contacter sur le site du Beau Bizarre, http://lebeaubizarre.blogspot.fr/. Vous y trouverez les playlists, les émissions en podcast, ainsi que des vidéos. Et je crois qu'il y a une nouvelle sélection vidéo qui se prépare d'ailleurs, qui résumera les trois derniers mois de, des émissions du Beau Bizarre. Voilà, et bien sur ce, on vous dit bonsoir et à la semaine prochaine. Bonsoir Cédric. Salut à tous, salut Fabrice. Where are you, baby? Where are you, baby? Dark dream. Bien sûr, les auditeurs n'existent pas. C'est une illusion collective, comme Dieu quand il était à la mode. I'm a toilet with no seat, flushing tradition down. I'm an army on holiday in a guillotine museum. I'm a sentimental song. Je vous en prie, Alexandre, je joue pas à la comédie, mais qu'est-ce que vous croyez?